Bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de rock progressif sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et vous écoutez Rock de Neurones, en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et aujourd'hui, à l'émission, on aura Il Rovesio de la Medaglia d'Italie, Théo des États-Unis, Cosmos de la Suisse, Jacobs de l'Allemagne, Whitewater d'Angleterre, Hawkestrel d'Angleterre, Ostalov de l'Allemagne et Astra des États-Unis. Alors, pour le premier bloc de l'émission qui est consacré à l'album de la semaine, eh bien, on a un enregistrement en spectacle de l'album Contaminazione qui a été produit en 1973 originellement par le groupe Il Rovesio della Medaglia. Et cet album-là, bien, il a fêté ses 45 ans en 2018 et pour l'occasion, bien, il y a eu un spectacle qui a été enregistré dans une abbaye d'Italie. Il s'agit de l'abbaye San Galgano. Et pour l'occasion, le groupe a été accompagné de Vittorio Descalzi, qui est flûtiste et membre de la formation Neutrals, et ainsi que un quatuor à cordes. Alors, l'album contient 16 pièces, 3 de plus que la version originale. Et moi, pour l'occasion aujourd'hui, bien, je vous propose les 4 pièces qui concluent l'album à la face B. J'ajoute en conclusion la pièce qui clôt la face A. Alors, on y va tout de suite avec Il Rovesio de la Medaglia. Thank you. De retour à l'émission Rock de Neurones, je vous fais un petit rappel de ce qu'on a entendu avant la pause. Bien, il s'agit du groupe italien Il Rovescio della Medaglia et 5 extraits de la version en spectacle de l'album Contaminazione 2.0. Maintenant, pour le deuxième bloc, je vous propose un groupe américain. Il s'agit de Theo. C'est un groupe qui a enregistré 2 albums studio depuis 2015. Le premier, c'est The Game of Ouroboros, et j'en ai extrait la pièce The Blood That Floats My Throne. Et ensuite, j'ai 2 pièces extraites de leur plus récent album, Figureheads. La première qu'on va entendre, c'est Pathologie, qui débute l'album. Et ensuite, on aura un extrait d'une longue pièce qui s'intitule Portents and Providence. Alors, on y va avec Theo. Thank you for your continued patience. Your concerns are important to the well-being of the community. Remember, a passive citizen is a happy citizen. Please continue to hold for the next available representative. I cry, oh, pray that just a horse. Remember, a good consumer benefits everyone. Do not worry. Do not worry. Please continue to hold for the next available representative. Rock de neurones avec Jimmy Farley. De retour à l'émission, je vous rappelle qu'on a entendu le groupe américain Théo juste avant la pause. Et en fait, il a occupé tout le bloc et on a eu droit à des extraits des deux seuls albums studio qu'ils ont produits à date. Il s'agit de The Game of Ouroboros et Figureheads. Maintenant, au troisième bloc, on va avoir quatre groupes. Le premier nous vient de la Suisse. Il s'agit du groupe Cosmos. C'est un groupe qui ressemble beaucoup à Pink Floyd. Vous allez d'ailleurs reconnaître des sonorités là, assez évidentes là, du guitariste David Gilmour, mais on comprend que ce sont des musiciens suisses qui jouent de cette musique-là. Et la pièce qu'on va entendre, c'est Contact, et c'est extrait de Mind Games. Je rappelle qu'ils ont trois albums studio, le premier en 1994 et le dernier en 2012. Ensuite, il y a Jacobs. Jacobs, qui est un musicien multi-instrumentiste. En fait, c'est un batteur qui a déjà fait partie du groupe Argos. Il a six albums studio à son actif, dont le plus récent qui s'intitule Beautiful. Et la pièce que j'ai tirée de cet album-là, mais c'est Contagious Fear. Ensuite, Whitewater, qui est un groupe britannique, nous propose un quatrième album depuis 2013. Il s'agit de Dark Planet, qui est sorti il y a quelques semaines. Et j'ai tiré de l'album As You Were. Et ensuite, on aura Alan Davey, qui est un bassiste originellement de la formation Hawkwind. Et il a 12 albums studio à son actif depuis 1996. Et ce qu'on va entendre, c'est un extrait d'une compilation qui est parue cette année. La compilation s'intitule Hawkestrel Prisons Premed. Et on va entendre la pièce Wallpaper Warriors. Alors, on débute ça avec Cosmos de la Suisse. Thank you. I just want to see the blue skies again. Try to tie me down, it seems surreal. Be my voice when I can't speak. I need you here. And let the memory rest in peace. Painful clear. You know what I mean. Angry words can cut like knives. Don't focus on the negative. Believe it in your soul. I'll be my eyes when I can't see. I miss you here. And let it get the best of you. The contagious feeling. you know what I mean. Go for the gold, as white as snow. Turn back the hands of time. Goodbye, my love. My afterglow. It's not the end of the night. Begun.

êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. De retour à l'émission Rock de Neurones, et avant de débuter le quatrième et dernier bloc de l'émission, j'aimerais faire un petit retour en arrière avant la pause, et on avait Alan Davy avec la pièce Wallpaper Warriors tirée de l'album Orchestral Pyramid, et auparavant on avait Whitewater, le groupe britannique, avec As You Were tiré de Dark Planet, et ça a été précédé de Jacobs d'Allemagne et la pièce Contagious Fear de l'album Beautiful, et en début de bloc on avait Cosmos, le groupe suisse, avec la pièce Contact tirée de l'album Mind Games. Alors pour le dernier bloc de l'émission, bien, on va faire un petit retour dans le temps en 2015 avec le groupe allemand Ostalove. Ils faisaient apparaître leur deuxième album en carrière, c'était The Isle of Dogs, et ça avait été précédé en 2013 par l'album Good Morning Dystopia, que je préfère d'ailleurs. Et bien entendu, il y a eu un album cette année du nom de About Time, mais il est beaucoup moins intéressant que les deux premiers. Alors on va aller en 2015 avec The Isle of Dogs, et je vous propose un extrait de la pièce Translucent Engineering. Et on va conclure avec Astra, qui est une formation psychédélique des États-Unis. On leur connaît deux albums, le premier en 2009 qui est The Weirding, et ensuite il y a eu Black Cord en 2012. C'était en 2009 avec The Weirding qu'on va entendre la pièce Ouroboros. Alors on débute ça avec Ostalove. Down and watch the letters flow onto the paper to form the story of two retired clergymen united in their scorn. But after the first page, I can't carry on. Thank you.